À la pointe du lac. Chaque matin, Aoun se remettait à chercher la piste de Zour. Les femmes le suivaient, pleines d'une confiance grandissante. À force d'accomplir les mêmes actes et d'échanger des gestes, elles comprenaient clairement le but de l'oulâmre. Lui-même se familiarisait avec leurs signes. Sa force et son agilité les ébahissaient. Elles admiraient ses armes, surtout ses harpons et ses sagaies qui tuaient les bêtes à distance. Affaiblies par leur misère et leur défaite, elles se rassemblaient humblement autour de l'inconnu. Elles aimaient à lui obéir. Ce n'étaient pas des auxiliaires négligeables. Quatre d'entre elles étaient plus robustes, plus flexibles et plus véloces que Zour. Toutes montraient une grande résistance à la fatigue. Celles qui avaient des petits-enfants les portaient sans peine pendant tout un jour. Les jeunes garçons et les fillettes avaient l'endurance des chacals. Sans la perte du oua, les soirs et les matins eussent été doux. Quand Aoun tirait le feu des pierres, les femmes montraient la même joie et les mêmes extases que le premier soir, et cette émotion heureuse plaisait au grand oulâmre. Surtout aimait-il avoir Djéa, aux cheveux lourds refléter les flammes dans ses yeux frais. Il rêvait le retour dans la horde natale avec elle. Sa poitrine se mettait à battre. Au bout de la semaine, les arbres diminuèrent encore en nombre. Une longue steppe s'étendit, à peine entrecoupée de halliers, de petits bois, de broussailles éparses. Ils s'y engagèrent dans l'espoir de découvrir une hauteur, d'où ils pourraient scruter les horizons. Vers le milieu du jour, à l'heure de la sieste, une femme qui s'était écartée vers l'est appela les autres. Aucune explication ne fut nécessaire, toutes reconnaissaient les traces d'un feu. « Les hommes du feu, fit Aoun. » Les femmes montraient une émotion vive. Celle qui commandait, Ouch, se tourna vers Aoun avec des gestes de colère. Il sut que les Chéléens étaient les ennemis de ses compagnes. Non seulement elles avaient été décimées par eux, mais sans doute avaient-ils détruit la horde mâle alliée aux femmes, et qui depuis l'automne n'avait pas reparu. Le campement datait de plusieurs jours. Les émanations étaient dissipées. Il fallut quelque temps pour s'assurer qu'il ne comportait pas une troupe nombreuse. Rien ne démontrait que Zour en faisait partie. Cependant, grâce à des indices légers, Aoun et les femmes purent organiser la poursuite. Peu à peu, la piste devint plus précise. Elle fut d'autant plus facile à suivre que les Chiléens se dirigeaient, suivant une ligne presque droite vers le nord. Deux fois les cendres d'un feu témoignèrent de présence récente. Le troisième matin, une jeune femme, qui allait en tête de la troupe, se tourna avec des exclamations. Quand Aoun fut proche, il vit sur le sol meuble la trace de plusieurs pieds. Avec un tremblement de joie, il reconnut la trace de Zour. D'ailleurs, la poursuite devenait facile. Le sol révélait des émanations, preuve que l'on gagnait du terrain. Ce soir-là, on prolongea la marche, quoique la lune ne fût pas encore levée. Mais deux des femmes étaient nyctalopes, quoique à un moindre degré que les lémuriens. Une chaîne de collines barra la route. Ayant gravi la plus haute, jusqu'à mi-pente, Aoun alluma le feu dans une combe afin de le rendre invisible à distance. La proximité de l'ennemi commandait une prudence croissante. Aoun avait abattu un Rucervus, dont les femmes faisaient rôtir des quartiers. La sûreté de l'abri, l'abondance de la nourriture et la vie brillante du feu égayaient la petite horde. Ce fut une de ces haltes heureuses où la créature oublie la loi cruelle et les pièges du monde. L'oulâmre lui-même eut connu la béatitude des soirs tranquilles, sans l'absence de Zour. Djéa, aux grands yeux, était assise auprès de lui, et vaguement il songeait que Ourch, la femme chef, la lui donnerait peut-être en mariage. L'âme rude du jeune oulâmre était pleine de tendresse secrète. Près de Djéa, il ressentait une crainte qui hâtait la marche de son cœur. Il voulait être doux pour sa compagne, comme Nao pour Gamla. Après le repas, quand les enfants et les voyageuses les plus lasses furent endormis, Aoun se mit à gravir la colline. Ouchr se leva pour l'accompagner en même temps que Djéa et trois autres guerrières. La pente n'était guère rude. Ils atteignirent vite la cime. Il fallut traverser des broussailles avant d'apercevoir l'autre versant. Une longue plaine s'étendait sous les étoiles, et presque au pied de la pente, un lac tremblotait. À la pointe septentrionale, sur l'autre rive pourtant, on voyait reluire des flammes. Elle condensait toute l'attention du fils de Lerus. En ligne droite, le feu était situé à 4 ou 5 000 coudées. Mais on devait contourner le rivage et peut-être éviter des obstacles. Le vent soufflait du sud. Il permettait de s'avancer jusqu'auprès du campement sans être découvert. Il fallait arriver avant le lever de la lune, et seul Aoun était assez véloce pour le faire. Il considéra le feu et les silhouettes tantôt pourpres et tantôt noires qui se mouvaient autour. Elles étaient au nombre de 5. Le fils de Lerus apercevait distinctement Zour, assis à côté du lac, et un 7e homme couché. Alors il dit à Ouchk, Aoun va s'approcher des hommes du feu, et il demandera la délivrance de Zour. Ouchk comprit et répondit, « Ils ne relâcheront pas le prisonnier. » Loulimbre reprit, « Ils l'ont enlevé comme otage, parce qu'ils redoutaient Aoun. Ils le redouteront bien plus quand ils n'auront plus d'otage. » Le nomade demeura un moment indécis, mais il ne voyait aucun autre moyen de délivrer Zour que la ruse, la violence ou la douceur. De toute manière, il fallait approcher du campement chéléen. « Aoun doit délivrer son compagnon, » fit-il d'une voix sombre. Ouchk le concevait comme lui. Elle ne trouva rien à répondre. Il ajouta, « Il faut qu'Aoun aille vers le feu. » Ouchk et les femmes louves le suivront. Aoun, ayant jeté un long regard vers la plaine, acquiesça. « Le fils de Lerus attendra là-bas l'arrivée des femmes, » remarqua-t-il. « Il sera seul, mais les hommes du feu ne peuvent pas l'atteindre à la course, et lui, il peut les combattre à distance. » Ouchk commanda à la plus jeune de ses guerrières d'aller chercher du renfort. Déjà, Loulimbre descendait vers la plaine. La pente était facile, presque égale, sans crevasses, et plantée d'herbes. Lorsqu'il aborda la plaine, le vent chassait ses effluves vers le nord, et les replis du terrain favorisaient son entreprise. La lune était cachée encore. Il se trouva rapidement sur la même rive que les Chéléens, à moins de 1000 coudées du campement. Des bouquets d'arbres, des herbes hautes, quelques monticules lui permirent de continuer sa route pendant 400 coudées. Mais alors, il se trouva devant la terre nue. Rien ne pouvait plus sceller ses mouvements à l'œil aigu des nomades. Saisi de crainte, non pour lui-même mais pour Zour, il s'immobilisa parmi des végétaux. S'ils apparaissaient, les Chéléens tueraient-ils le oie ou au contraire épargneraient-ils sa vie pour mieux préserver la leur? S'ils leur offraient l'alliance, se rirait-il de lui? Il attendit longtemps. La lune monta rouge et fumeuse au fond de la savane. 5 Chéléens s'étaient couchés. Le 6e veillait, parfois dressé, aux écoutes, les yeux mobiles et les narines frémissantes. À l'autre extrémité du feu, près de la rive, Zour veillait aussi. Le Chéléen ne s'occupait guère du prisonnier, qui, faible et peu agile, ne pouvait songer à la fuite. Cependant, un projet finit par hanter le nomade. Il savait que Zour, si lent à la course, était comme tous les hommes sans épaules un nageur très habile. Dans une rivière ou un marécage, il dépassait de loin les plus lestes des oulams. Il plongeait comme un crocodile et pouvait demeurer longtemps sous l'eau. S'il bondissait dans le lac, il gagnerait l'autre rive, qui, dans cette région, n'était pas très éloignée. Aoun attirerait les ennemis au combat. Mais il fallait être vu par le oie et lui donner le signal. La moindre alerte rendrait le sauvetage impossible. Or, à cause du vent, le veilleur scrutait préférablement le nord. À chaque instant, sa face se tournait vers le buisson qui dissimulait le fils de Lerus. La lune s'élevait plus fine, plus acérée et plus claire. Une impatience furieuse gonfla la poitrine du nomade, et il désespérait lorsque là-bas, au sud, un profond rugissement traversa l'espace. La silhouette d'un lion se profila sur un tertre. Le veilleur avait sursauté. Successivement, les Chéléens se levèrent autour du feu et tournèrent leur face vers le carnivore. Zour, presque immobile, épiait en tous sens, plein de ce vœu de sauvetage que les péripéties rendent plus âpre. Soudain, Aoun se montra, la main tendue vers le lac. La minute était propice. Une distance de 30 coudées séparait le oie du plus proche de ses vainqueurs. Eux ne songeaient qu'au grand fauve. Or le lac n'était qu'à 20 pas de Zour. S'il s'élançait à temps, il atteindrait l'eau avant aucun des Chéléens. Zour avait vu. Incertain, ébloui, il marcha furtivement vers le buisson. De nouveau, Aoun montra le lac. Le oie comprit, et d'un pas nonchalant d'abord, puis à grand bond, il se précipita vers la rive. Au moment où il se laissait couler dans l'eau, un Chéléen se retourna. Plus étonné qu'inquiet, il n'avertit ses compagnons qu'en voyant le fugitif s'éloigner du rivage. Deux guerriers se détachèrent, dont l'un essaya de rattraper Zour à la nage. Après une poursuite vaine, il revint vers la terre ferme et se mit à jeter des pierres. Mais Zour, ayant plongé, devint invisible. La proximité du lion paralysait les résolutions de la troupe. Un seul homme fut dépêché à la poursuite. En tournant la pointe du lac, il devait inévitablement rejoindre Zour, qui, désarmé, lent et faible de musculature, serait facilement capturé. Aoun, voyant s'avancer le guerrier, eut un rire silencieux et battit en retraite. Pendant quelque temps, il demeura invisible, mais une surface unie le décela. Alors, le harpon haut, il attendit. Le Chéléen était de ceux qui avaient combattu dans la nuit orageuse. Effaré, il reconnut le grand nomade qui avait tué son chef et battit en retraite avec une clameur d'alarme. Aoun, inquiet du sort de Zour, ne tenta aucune poursuite. Il se dirigea vers la pointe du lac et la contourna. Le Wa n'avait pas encore abordé. On le voyait nager comme un reptile, avec des mouvements onduleux. Lorsqu'il arriva, le fils de Lurus le souleva avec un grondement de joie. Et ils demeurèrent à se regarder dans le saisissement de la délivrance. Enfin, Loulamre hurla son triomphe. Aoun et Zour se rient des hommes du feu. Le lion venait de disparaître. Un moment, les Chéléens continuèrent à guetter le tertre, puis sur un signe du chef, ils se dirigèrent vers le nord. « Ils sont plus agiles que Zour, » fit le Wa avec tristesse. « Leur chef est fort comme un léopard. »« Aoun ne les craint pas, et nous avons des alliés. » Il entraînait son compagnon, et lorsque les poursuivants arrivèrent au détour, une rumeur s'éleva sur la colline. Ouchr et sept autres femmes louves venaient d'apparaître. Découragés, les Chéléens cessèrent la poursuite. Les femmes descendirent auprès d'Aoun, et Ouchr dit « Si nous ne tuons pas les hommes d'Aul, ils reviendront avec leur horde. » Après qu'elle eut répété ses gestes et sa phrase, Loulamre la comprit. « Ont-ils parlé de leur horde ?» demanda-t-il au Wa. « Elle est à deux longues journées de marche. » Ayant épié les femmes, Zour ajouta. « Ils tueront plusieurs femmes si nous les attaquons, et sans doute quelques-uns réussiront à fuir. » Le sang d'Aoun bouillonnait, mais la crainte de reperdre son compagnon l'emporta. Et il éprouvait aussi un sentiment de bienveillance, parce que les Chéléens n'avaient pas tué leurs captifs.